Bande d'enfoirés, vous allez me branler avec les pieds. Tous vos nez seront anesthésiés. Déclenchez le plan épervier. 91C, les premiers seront les derniers. Bande de PD, vous allez me branler avec les pieds. Tous vos nez seront anesthésiés. Déclenchez le plan épervier. 91C, les premiers seront les derniers. Que la rue respecte, smoke et alka en parlant sève. Lyrical braco à la K47, du sang d'MC sur le treillis. Marie m'a traversé la France, elle a vu du pays. Ma punchline, la nature du séisme. J'tousse des graviers, King Kong de la rime. J'pousse des gratte-ciel, moi je ne perds pas. J'viens du Garcelle, on est noirs et fiers. Nous gnacs sans l'air pour mal comme à la LR. Nous les frères, Bélède par la LR. Nous sur ma tête, on ne piquera rien. Toi là t'as l'air louche, je ne puis j'ferme au bout du 25. Le risque on le prend pas. Les Schmitt on les sent pas, j'dis j'fais les 100 pas. Caca des petites salopes qui taillent des pipes gratos. Et vive la prose, c'est grâce à elle si j'esquive la geôle. Les cris la zone morte, les bruits, les cris de trapeaux de porc. Les émeutes de quartier portant les flics à nos. Bande d'enfoirés, vous allez me branler avec les pieds. Tous vos nez seront anesthésiés. Déclenchez le plan épervier. 91C, les premiers seront les derniers. Bande de PD, vous allez me branler avec les pieds. Tous vos nez seront anesthésiés. Déclenchez le plan épervier. 91C, les premiers seront les derniers. Celui qui rappe, c'est le pote d'Alka. Je régénère ton aura avec ou sans les chakras. La force d'un Sahaba. Black Dynamite, c'est la crème du 91. Strip tape, la capote, nick step, casse ta porte. Aisé la castafiore, lésés sont les gars dehors. D'utiliser l'escalator, je vais tout niquer jusqu'à la mort. Sur la vie de ma mère, que je suis parti pour le disque d'or. Je ne parle même pas, on a les mêmes clics mais pas les mêmes gars. On aime les mêmes clips mais pas dans le même plat. Ça fait les mêmes bruits, clique pas. Ne flippe pas, un vrai gars ne tire jamais sur le même trou de balle. Trop de blabla, voir le ventre à plat. Dis-moi ça fait quoi, tu n'as plus le choix. Donc le couplet tu le bois, je vais te couper tous les doigts. Le cardiaking est une sortie, le couper tu me le dois. Bande d'enfoirés, vous allez me branler avec les pieds. Tous vos nez seront anesthésiés. Déclenchez le plan épervier. 91C, les premiers seront les derniers. Bande de PD, vous allez me branler avec les pieds. Tous vos nez seront anesthésiés. Déclenchez le plan épervier. 91C, les premiers seront les derniers. Ok c'est Tyron Clash aka Bulldozer. Pour délivrer le rap c'est nous que l'on vise. De tous ces zoulous qui font pas ce qu'ils disent. Dans ce rap game un peu de vrai c'est la crise. Et on s'engage pour vous mettre des baffes et délivrer le rap de Mana et Bras. Tu peux pas tester, tu testes pas. Tu dis n'importe quoi, est-ce que tu dis t'assumes pas. On a toujours su ça. Et puis les épinettes, c'est bien ainsi qu'on réside. Une basto si tu résides, une camisole si tu t'exhibes. Avec violence on réplique, seul ou en public. On baise la république, les flics j'répudie. C'est Ibrahim pour les musulmans, crime pour les victimes. J'rime pour les victoires, ici on trime dans mes fitoires. 91 000 délinquants, tire sur ton sbar, ton sbar. PD, écoute ce son en guise de coup de barre. Bande d'enfoirés, vous allez me branler avec les pieds. Tous vos nez seront anesthésiés. Déclenchez le plan épervier. 91C, les premiers seront les derniers. Bande de PD, vous allez me branler avec les pieds. Tous vos nez seront anesthésiés. Déclenchez le plan épervier. 91C, les premiers seront les derniers.